fallait que je me pose un peu gros. Ça fait longtemps que j'ai pas gratté. Trop de plein pro, ouais gros, y'a pour ça que je suis gâté. Sans trop blablater, Ray, faut représenter la thèse. Fuck la YS, ses ânes battés. Pour mon refrain cadé, Hakim manque à deux. Dra, il sait que ça va, Réti sa cadé. Demande à Ziggy ou Pamplemousse dans sa cadeau. Ça sort le moussou, son tir en l'air, ça c'est cadeau. C'est pour les potos, ceux qui connaissent de loin ou de près le toto. La routine, spliff, argent, spliff, bif, dodo. Les types, ça pite, rabit, dodo. Le petit rapide a pris de la craft, puis trop tôt. Gros, garde la pêche, tu s'en sors bien. Lazac, Anatole, sauce et sorbier. Tu viens de loin, Roya, on est toujours là-bas. Puis parle pas de nous, t'as retourné ta gel là-bas. Hein, t'as retourné ta gel là-bas. Fallait que je me pose un peu, Gros, ça fait longtemps que j'ai pas craqué, Gros soma pour les gros voyous. Grosse boucaf, gros crâne ouvert, gros caillou. Gros Cayenne, gros tableau de bord rempli de bif. Gros retour, grosse douane qui veut stopper le bis. Grosse douane, tapé dans un gros paf. Gros daf, les grosses peines évitées par un gros baf. Grosse speuf, tiens, tire une grosse taf. Grosse beul au fédif, la teste à leur grosse tape. Grosse bac au virage, gros, gros cross. Coursette, capache, carrière à lunettes, beau gosse. Sarte, corki, gros gosse. Fuck les cops, j'te le dis, prennent pour gros cop. Grosse lock, petite capuche footlock. Nick 6.3 pour m'attraper good luck. Grosse prod, mon pote. J'répète, nick les cops et les gros proc. Fuck, fuck. Un conseil petit refrain au téléphone, ne cause pas, Les gars fake du chiffre, ils se branlent sur nous dès qu'on se bat. Leur pression psychologique, ils vont te la faire, dénonce pas. Les keufs, ces gros fils de pute, ils kiffent la laine des lance-bas. Tes soi-disant potes, belle et qui ne te devance pas. S'il y a un trou dans la caisse, éclat de se barre, encore se va. Quel mytho a dit que les mots c'est mieux qu'une grande baffe, gros. Toi tu manges des pierres pendant qu'ils croquent des gambas. Y'a pas de place pour l'amitié dans le bus. Beaucoup de ceux qui t'arrangent prennent un bon bif sur les tarifs. Ça te fera peut-être mal au cœur, mais gros, fallait que ça t'arrive. Bientôt tu comptes sur une main, ceux qui vont durer dans ta if. T'as pris un bif, va pas tout claquer à Belette. Prends plus frigo, plus que ta run, veux pas du BLF. Puis avec le temps, poteau, ben tu repères les vrais, y'a pas d'os dans le ton. Belette, crève pas ton équipe, c'est ton œil dans le dos. Crève, crève pas ton équipe, c'est ton œil dans le dos. Poteau, y'a pas d'os dans le ton. Non, non, y'a pas d'os dans le ton. Chez nous, c'est comment ou c'est pas. Si tu sais pas, dis, je te dis. Chez nous si, écoute. J'appelle pour des histoires de bif, y'a pas de quartier à Kelly. Faut déjà mettre au beurre la mif, demande à Diaghili. Pareil que le mépris agit plus vite que la vengeance. Tu frimes, on baisse ta mère, pourquoi attends que le vent change. On veut tous le prix d'un Porsche en poche. Pas de mal à bosser tant que les clichés pris sous le Porsche sont bof. Puis, il faut que le rap me lèche les bottes que j'empoche. Et si ça perd, ça ponce aussi, ça ne bosse, t'es boche. Frère, au stopo, les keufs t'offrent leur beat. Si t'avales, t'es mort. Poton, on suit la même logique d'ici à Baltimore. Faites dans le peur, y'a trop de muets, faut que je parle à la chance. Les keufs ils coursent le mur et même plâtre à la jambe. Ne parle pas de love, mon cœur à l'autre bout du tunnel. Vu que c'est ce que j'ai en liquide, qui te fera dire combien tu m'aimes. On est d'accord, viens pas me présenter ta cousine. Chez nous, si y'a Schmitt à la porte, c'est pas pour refaire la cuisine. Chez nous, si y'a Schmitt à la porte, poteau, c'est pas pour refaire la cuisine. Chez nous, si y'a Schmitt à la porte, poteau, c'est pas pour refaire la cuisine. Chez nous, si y'a Schmitt à la porte, poteau, c'est pas pour refaire la cuisine. Chez nous, si y'a Schmitt à la porte, poteau, c'est pas pour refaire la cuisine. You're a jerk. You're a jerk. You're a jerk. You're a jerk. You're a jerk.